Une masoire et bidengue na zalabi. Voici qui toko, centaines étaient à Sequoia. Pendant que des centaines angelanda yo, na tikala, kaka poso papa. Na pendant qu'on a va souvenir et tikala vie. Na sangisi, bien na sali na ngongoba. Mokolo mosusu na matiri kola pena moni. Kutundenge nga ina yo to pataki. Mokolo yango amaninga na zela obenginga. Et ça fait que la mamoya est balayée en maçon. Politique pour faire croire en ta que ma esalité. Ota ni salita n'a pas qu'on a moté. Oye, ton disabouli, voyant la yo. Bye bye, kani saka bolingo. Et pas qu'il n'y a qu'on fait ça, ma ofelere. Bye bye, c'est l'engagé la maçon. Yanga ya ye tous les jours. Soki passe zali masuwa yo moto nyoso akobutaka wapili bongo nango bye balona kibolingo yanga na yo na neza pekola te lelo bongo na retenere. Un jour sorti bolingo na yeti kale lukanga na lembola tasania bolingo. Un jour sorti bolingo na yeti kale lukanga na lembola tasania bolingo. Mama yebi sakinga esikaba. Ose sanyama, moto nyoswa koswa kamoke. So kinga emolili na nyangwa komi. Mwinda ya vina yo, we akalisi onze la venir. Bae babanza kite na sinazi. Nana maibaye, bate na zalipote toa kaka. Mukubwa, betelanga sebeno ya popo ako, bofisa yo kelenge. Hoka! Bonganya! Griva kalimazi! Yamana kombo na ye la libota papa za la fabe mo fae okio Jean Richard Tonton Yema Freddy Ataya Yajo.